fragile, cet enfant du bonheur. Ça donne envie, envie, envie, envie d'aimer. Son regard innocent et ses mains chaleureuses. Caresser tes jolis cheveux, faire du crayon d'or autour de tes yeux, chanter des poèmes, te faire rêver sur un bateau. Je vais mettre ça pour toi comme un cadeau, car je t'aime. Ça donne envie d'aimer, ça donne envie d'aimer, ça donne envie d'aimer. Pour toi je marcherai, je courrai. Ça donne envie d'aimer, ça donne envie d'aimer, ça donne envie d'aimer. Pour toi je courrai. Ses yeux si troublants, ça donne envie, envie, envie, envie d'aimer. Ta robe qui vole au rythme de tes pas, ça donne envie d'aimer, d'aimer. Je passerai des heures à t'aimer au sein de mes bras. Je m'en